my mama pray. She keeps praying for the light to show a better way. See my brother falling down, I wanna give a hand. But sometimes falling down's the only way to understand. Giving up was never part of me or who I am. And that's why I keep holding on a little more time. I wonder. Vous êtes de retour dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30. Je rappelle juste rapidement avant de lancer le reportage, on a une adresse mail où vous pouvez nous envoyer des infos, des contre-infos, des sons, tout ce que vous voulez, des remarques. C'est au fond près du radiateur @no-log.org, tout en attaché, tout en minuscules. Et on a un site surtout où vous pouvez écouter les anciennes émissions, c'est au fond près du radiateur.fr. Voilà, il y a tous les podcasts dessus. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit peu le son qui va passer tout de suite. Du coup, on va parler du 17 octobre 61. On est le 18, mais voilà, on se devait aussi de rappeler ce qui s'est passé en France à ces moments-là où la France était en guerre coloniale, voilà, en Algérie. On vous a concocté du coup un petit montage avec plusieurs interviews. Je laisse la parole à Mustapha tout de suite. Ouais, le 17 octobre. Du coup, le 17 octobre, c'est quoi? C'est une date. Ça, on est tous au courant. Mais pour moi, quand je dis c'est une date, c'est vraiment juste une date parmi tant d'autres dates. 17 octobre, c'est juste symbolique. C'est le FLN qui demande à tous les Algériens d'aller manifester, de se rendre, par exemple en France, à Paris, sur les lieux de rassemblement couramment usités, utilisés par les manifestants, et de se rassembler à partir d'une certaine heure. Il y a un couvre-feu qui est prononcé à l'époque. Et des raves sont organisées en général, après le couvre-feu, pour prendre tout ce qui a l'air bougnoul, maghrébin. En fait. Donc il n'y a pas que des Algériens, aussi des Marocains, des Tunisiens qui sont arrêtés, contrôlés et autres. Et le 17 octobre, en fait, ce jour de manifestation du FLN pour l'indépendance de l'Algérie, des consignes sont données à la police de répression très claire et assez sanglante. En fait, il faut faire comprendre au Bougnoul qu'il ne sera jamais chez lui, qu'ici c'est la France et que les Français sont chez eux, mais pas les Bougnoul. Voilà, du coup, ouais, en fait, c'était une soirée particulièrement sanglante, particulièrement noire. On compte, voilà, à peu près plus de 200 morts ce soir-là de personnes qui ont été jetées dans la Seine. Malheureusement, l'État français en compte seulement 3 et 8 du côté des policiers. Et nous, du coup, on vous a concocté un petit montage de 20 minutes. Du coup, on pourra retrouver un peu des archives de l'INA, du coup, de l'époque. Et notamment, voilà, des témoignages. Il y a un témoignage, voilà, d'un ancien soldat français qui était là ce soir-là et qui raconte un peu les consignes qu'il a reçues ce soir-là. On a aussi des témoignages, voilà, de manifestants algériens qui étaient là ce soir-là. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se l'écoute tout de suite et puis on revient juste après pour en parler au fond près du radiateur. 17 octobre 1961. 30 000 Algériens s'avancent dans la nuit au cœur de Paris. Pour la première fois, à l'appel du FLN, ils bravent le couvre-feu, instauré 10 jours plus tôt pour les musulmans de France par le préfet de police, Maurice Papon. La manifestation est silencieuse, pacifique. Mais le mot d'ordre de Matignon est ferme. Il faut empêcher tout rassemblement. Arrestations, insultes, coups, la répression est féroce. 30 ans après, Saad Wazan revit toujours son interpellation dans les couloirs du métro Concorde. Il est plaqué contre le mur, main sur la tête. Il tapait sans arrêt, sur la tête, sans arrêt. On protégeait notre tête et puis les jambes en même temps. Parce que il y avait ceux qui sont faibles, ils tombent et puis nous, on les piétine en même temps. Il y a eu des gens blessés? Très blessés, très, très, très, mais peut-être même morts. La chasse aux faciès est ouverte. À la sortie des métros, une gigantesque rafle s'organise. Comme pour celle du Veldiv, en 1942, les bus parisiens sont réquisitionnés. 11 538 Algériens sont arrêtés en une seule nuit. Pour d'autres, la manifestation se termine sur le pavé ou dans la Seine. Paul Rousseau est alors gardien de la paix. Son unité est en réserve sur le pont de Clichy. Il assiste à la charge de certains policiers. Un ordre a été donné, les communistes sont descendus de leur car, ont systématiquement barré le pont, foncé sur donc, ces personnes, ces manifestants des Algériens, et à coups de trique, à coups de nerf de bœuf, à coups de crosse, ont commencé à frapper ceux-ci, sans raison du fait que ceux-ci n'étaient pas agressifs. Et il s'est produit une chose, c'est que certains ont été balancés par-dessus le pont. Et les policiers, lorsqu'ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit à ce moment-là? Alors, ils ont dit, nos bougnoules, on les a eus, vous voyez les gars, il y en a qui ont du sang sur les bras. Bilan officiel de la manifestation, 3 morts, 64 blessés. Mais dans les jours suivants, des dizaines de corps sont repêchés dans la Seine. Le FLN parle de 200 morts. Le 18 octobre, Maurice Papon dit que la police a fait son devoir. Malgré l'indignation de certains parlementaires, il n'y aura jamais d'enquête. C'est une chose horrible et incompréhensible quand on est en temps de paix, mais en temps de guerre, on ne commence pas à ouvrir des cours martiales en disant il y a eu des éléments incontrôlés qui ont fait ci, qui ont fait ça. Que reste-t-il du 17 octobre 1961 ? Quelques tombes au cimetière musulman de Bobigny et un mot qui fit son apparition ce soir-là dans la langue française, ratonnade. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. Il y a eu dans les semaines qui ont précédé le 17 octobre, à partir de la fin du mois d'août, une série de mitraillages et d'interpellations qui se sont parfois soldées par des tirs contre des gens qui étaient considérés comme fuyards parce qu'ils se dérobaient à un contrôle ou parce que tout simplement on les incitait à s'en aller et que leur tirait dans le dos. Enfin, il y a eu toute une série d'agressions comme ça, du fait de policiers ou de commandos parapoliciers mis en place par le préfet de police Maurice Papon. Donc ces photos d'Henri Georges témoignent de la découverte par les passants d'Algériens à terre. C'est ce qu'on peut considérer comme la bataille de Paris qui a consisté à mener une sorte de guerre contre la Fédération de France du FLN et pour cela contre les immigrés algériens qui cotisaient au profit de cette Fédération de France du FLN. Le 17 octobre, en fin de journée, des dizaines de milliers, probablement 20 000, 30 000 Algériens manifestent dans les rues de Paris contre le couvre-feu qui leur était imposé. Il leur était interdit de sortir au-delà de 19 heures et ils décident d'enfreindre cette interdiction, donc de sortir, de manifester, d'être présents tout simplement dans les rues, sans armes et sans mot d'ordre ni banderole. Et la violence de la répression a été telle que, en divers endroits, on a retrouvé, ramassé des cadavres et repêché de la Seine un certain nombre de corps d'Algériens. Donc une très violente répression et une incarcération de personnes rassemblées dans différents centres tels le Palais des Sports de la Porte de Versailles ou le gymnase Pierre de Coubertin à la Porte de Saint-Cloud. Le préfet de police Maurice Papon avait préparé la violence de la répression en conditionnant, on peut dire, en préparant ses policiers à opérer une violence extrême qui était présentée par lui comme une violence de légitime défense et de représailles normales. Il avait notamment, lors des obsèques d'un policier tué, tenu des propos qui incitaient à cette violence, à tirer. Il leur avait dit, considérez que tout Algérien est potentiellement armé, même s'il ne l'est pas. Et il leur avait dit, pour un coup, nous en rendrons 10, ce que les policiers ont compris, comme pour un mort, nous en ferons 10. La version officielle, c'est 3 morts. C'est évidemment un bilan tout à fait sous-évalué. Les historiens qui ont travaillé sur le bilan, le nombre de victimes, disent qu'il y a eu quelque chose comme 150, 200 pendant la soirée du 17 octobre et les jours qui ont suivi. Et la répression ayant commencé auparavant, sur l'ensemble de l'automne, il y a eu de l'ordre 300 ou davantage de disparus, dont il faudrait bien sûr établir le sort très précis. C'est bien difficile d'avoir la certitude quant au bilan réel. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. Je m'appelle Lucien, j'ai 24 ans. Je suis né à Paris en 1938. Comme tout le monde, j'ai été appelé en Algérie. Vous savez, quand vous rentrez ici, personne ne vous comprend. On ne reprend pas la vie normale. On ne reprend pas la vie normale quand on a vu les tortures, les massacres, les copains devenir fous. Vous êtes tout seul là-bas. Encore au début, ça allait, j'étais avec mon pote, un autre Parisien. Mais il supportait pas, lui. On a participé au plan Châle. On ratissait le Djebel. Un jour, près de Tala Amara, on a reçu l'ordre d'interroger tout un village. Pendant l'intervention, on entend des cris de femmes. Alors avec Robert, on s'approche. Il y avait un attroupement de soldats autour d'une jeune fille. Elle venait d'être torturée. Son visage était meurtri. Elle saignait de la lèvre. Le sergent s'approche. Il commence à lui toucher les seins. Autour, les gars l'encourageaient. « Allez, vas-y, baise-la, baise-la !» La fille résistait. Alors ils l'ont couchée de force sur le lit. Et puis le sergent l'a violée sous nos yeux. Après, ils y sont passés à plusieurs. Et le capitaine qui laissait faire. « Avec ces gens-là, c'est comme ça qu'il faut y aller !» C'était pas la guerre. C'était la folie. Il n'a pas supporté Robert. Le soir même, il est sorti du cantonnement et il s'est fait sauter la cervelle. C'est à partir de là que ça a été de plus en plus dur. En rentrant, je parlais plus à personne. Il n'y a que seul que je me sentais bien. Je voulais témoigner, raconter ce que faisait l'armée française en Algérie. Je me suis trouvé une petite chambre à Saint-Germain. J'ai repris les notes de mon carnet et j'ai écrit pendant 6 mois. J'ai même trouvé un éditeur après, mais le bouquin, il a été censuré. Il a tout de même un peu circulé sous le manteau. Entre-temps, j'avais fini par dénicher un poste de rédacteur dans une maison d'édition. Plus tard, j'ai rencontré les copains du Comité pour la paix, le groupe Seine-Bussy. On avait pris l'habitude de se retrouver au bar les deux magots pour faire des réunions, rédiger des tracts, dessiner des affiches. Le soir du 17 octobre, je rentrais chez moi en Solex. Il devait être 20h. Je me souviens qu'il pleuvait. Je remontais le boulevard du Palais vers Saint-Michel. J'ai croisé quelques agents de police devant le palais de justice, mais rien d'anormal. Un peu plus loin, à la hauteur du pont, il y avait un cortège d'Algériens. Il devait être 200. La plupart étaient jeunes. Il y avait des femmes aussi. Tout le monde était bien sapé. Ils marchaient, silencieux, la tête haute. Pas un cri, pas un drapeau, pas une pancarte. J'ai garé mon Solex à l'angle du quai des Orfèvres pour regarder passer le cortège. Et tout d'un coup, une escouade de flics jaillit de la préfecture au pas de course. Certains étaient armés de mitraillettes, les autres brandissaient des bidules. De là où j'étais, je voyais la ligne de policières monter le quai et charger les manifestants au niveau du boulevard. J'ai entendu un gradé hurler « Allez-y, allez-y dessus !» Les flics m'empêchaient de traverser le pont, alors je suis remonté sur mon Solex pour passer de l'autre côté de la Seine. En arrivant place Saint-Michel, j'ai vu les vitres du café Terminus voler en éclats. Les flics jetaient des guéridons en fonte sur les Algériens. Tout le monde criait. Les gens couraient dans tous les sens. Il y avait des flaques de sang par terre, des vêtements, des affaires abandonnées. Je me rappelle d'un gamin qui hurlait. Il cherchait sa mère. Les Algériens ne se défendaient même pas. Les cars se remplissent, partent en direction de la préfecture de police et reviennent vides 5 minutes plus tard. J'ai vu un Algérien tomber à la Seine. Je ne sais pas s'il échappait au tabassage ou si on l'a jeté. En remontant le boulevard Saint-Michel, je croise 2 voitures arrêtées. Les conducteurs encourageaient les policiers à la chasse aux Algériens. J'étais sidéré. Tout s'est passé extrêmement vite. Ça m'a rappelé Tala Amara. J'ai pas pu dormir de la nuit. Le lendemain, dans la presse, c'était partout la même chose. Le communiqué officiel affirmait que la police avait dispersé une manifestation à laquelle le FLN avait contraint de participer la grande masse des Algériens. Que des coups de feu avaient été tirés sur les forces de police qui avaient répliqué. Moi, j'ai vu le cortège à Saint-Michel. Les manifestants étaient pacifiques. Quelques jours après la manifestation, j'ai retrouvé les copains du comité au bar Old Navy. On était tous remontés. Beaucoup avaient vu les saloperies des derniers jours. On a parlé d'organiser un défilé, avec un Français pour un Algérien, côte à côte, coude à coude, pour voir si la police foutrait tout le monde à la Seine. Jean-Paul Sartre était d'accord. D'autres gens connus aussi. La date a été arrêtée au 1er novembre, jour de la Toussaint et du début de l'insurrection algérienne. La décision est prise de présenter le projet à toutes les organisations de gauche, au PC en particulier. Eh ben, on s'est fait traiter de provocateurs. Après tout, eux aussi avaient voté les pleins pouvoirs à l'armée. On s'attendait à quoi? Le comité a sorti un tract, on a collé quelques affiches, mais fallait un truc plus spectaculaire. À Avec des copains, on a décidé de peindre sur les quais de la Seine une seule phrase. Ici, on noie les Algériens. Le 1er novembre, donc, 300 étudiants et militants se sont rassemblés place Maubert, autour de la station de métro. Nous sommes venus aujourd'hui pour manifester contre le fascisme et la répression policière, a déclaré Sartre. La manifestation était silencieuse. À 12h15, alors qu'on était en train de se disperser, une bombe de l'OAS a explosé et fait 3 blessés. Le même jour, des militants PSU se sont rassemblés place Clichy. Il est 16h30 et 300 à 400 jeunes gens défilent place Clichy pour crier « Paix en Algérie ». Ils lancent également des tracts qui s'intitulent « 1er novembre 1954, 1er novembre 1961 » pour que nos jeunes soldats regagnent leur foyer, pour que cessent les violences, pour que soit signée la paix. Le tract porte une signature « Parti Socialiste Unifié ». Dans les mois qui ont suivi, les fascistes de l'OAS ont multiplié les attentats. L'indépendance de l'Algérie était devenue inévitable. De Gaulle négociait officiellement avec le FLN. Mais les ultras ne voulaient rien lâcher. Il y avait des plastiquages toutes les semaines. Je me souviens de la série d'attentats du 22 novembre. Il y en a eu une vingtaine dans la même nuit. Ils ont appelé ça la nuit bleue. Le 7 février, à Boulogne-Billancourt, une petite fille a été défigurée par une bombe de l'OAS qui visait André Malraux. Le lendemain, un collègue me prévient qu'une manifestation interdite par Papon aura lieu le soir même, à 19h, à la Bastille, en réponse aux attentats de la veille. Je sortais du boulot à 19h30. J'ai pris la direction du boulevard Beaumarchais en Solex et je me suis garé au niveau du cirque d'hiver. En remontant le boulevard vers la Bastille, j'ai vu mon collègue qui revenait de la rue Saint-Gilles, tout amoché. Il m'a dit que les policiers avaient chargé. On a continué ensemble vers la mairie du 11e pour rejoindre le cortège qui était là-bas. Les manifestants s'étaient fait prendre en tenaille par les CRS. C'était la même police qu'en octobre qui chargeait, avec la même rage. On a juste eu le temps d'éviter une charge de CRS avant de s'enfuir par la rue de Charonne. J'ai appris pour les morts le lendemain matin. Les manifestants se sont fait pourchasser jusque dans la bouche du métro. Cette manifestation ne devait pas être prévue par la préfecture de police. Il y a 5 à 600 manifestants. Au moment de la dispersion, d'autres manifestants sont arrivés. Certains sont tombés. Ceux qui essayaient de rentrer se sont entassés les uns sur les autres. Les flics ont gazé à l'intérieur de la station pendant que d'autres agents leur jetaient des grilles d'arbres dessus. Il y a eu 8 morts. C'était 8 Français. Les obsèques ont été un événement national. Toute la France a apporté son soutien. Personne n'avait parlé des morts algériens. Et tout d'un coup, après Charonne, tout le monde voulait finir la guerre. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, quand je parle du 17 octobre, les gens me répondent systématiquement « Charonne ». Fallait 8 Français. Fallait 8 morts français pour éclipser les centaines d'Algériens tués en octobre. C'était hier, c'est pour demain. 17 octobre 61. Rappelle-toi bien, fils d'Algérien. Dans la Seine, on noie les Algériens. Le prix de la résistance, les cadavres dans ton île existence. Le passé se trouve bien sûr, jambes sur la distance. Aussi les méandres qui créent dans le présent avec persistance. Fils d'histoire, grandi à l'ombre des vérités bâchées. Papon, but de Jean Moulin, chaque sortie de café caché. Bataille d'Alger, de Paris, même barbarie. Les torturés des sous-sols bavent sur les uniformes marines. À la mémoire qu'on oublie, 7 octobre 61. Rappelle-toi bien. Manifestation de la paix, massacre en pleine capitale. Déportation en série, France coloniale. OAS, colonel, généraux, massu, Osares. Tricolore rouge sang des allées de Nanterre aux Aurès. Quand la population prêtait main forte aux mains de port. 135 ans de crimes et tortures, à pousser son corps du Félaga. Pour l'indépendance c'était la guerre. Et vos pères dans le rôle des assassins, c'était hier. « 17 octobre 61, quand un peuple résistait, quand un autre volait la terre pour y exister. 17 octobre 61, l'État français assassine sur les quais de Seine, a rien de sourire et reste assis. 17 octobre 61, un jour de plus où le sang a coulé, un jour où la police de Paris a couru pour tuer. 17 octobre 61, rappelle-toi bien, il n'y a pas si longtemps dans ce pays on noyait l'Algérien. À ce qu'ils ont oublié de nous apprendre. Dédicace Abdelkader, Fondation Abou Bachir, fils du béton national. Sur quel passé construire l'avenir, nos destins communs. Camp de concentration improvisé, stade Coubertin. Certains ont lutté à nos côtés, les hommes libres se livrent. Soi-disant 200 victimes à leur lit sur leur livre. Les fils des hommes patraquent sous les coups de matraque. Les rats traqués, la mélodie des corps qui craquaient. Accueillis par les balles sur le pont de Neuilly. Quand les potes venaient édenter les femmes dans les entrées. 17 octobre 61, un peuple résistait. Quand un autre volait la terre pour y exister. 17 octobre 61, l'État français assassine sur les quais de Seine. N'a rien de sourire, reste assis. 17 octobre 61, un jour de plus où le sang a coulé, un jour où la police de Paris a couru pour tuer. 17 octobre 61, rappelle-toi bien, il n'y a pas si longtemps dans ce pays on noyait l'Algérien. Rebonsoir, l'émission Au fond près du radiateur, FPP 106.3, avec Tom, Antoine et Mousse sur le studio. Là c'était sur le 17 octobre. On déplore, on n'a pas pu mettre de témoignages en fait d'Algériens qui avaient participé à cette manif et à cette répression sanglante qui a eu lieu. Et on essaiera de faire un montage un petit peu plus amélioré et de le poster sur YouTube ou sur le site de l'émission. Et vous pourrez le faire tourner à Max si vous voulez. Donc le 17 octobre, c'est une date, comme je disais au début, parmi tant de dates. En fait, il n'y a pas que le 17 octobre pour ce qui correspond à l'Algérie. Il y a le 8 mai 45 et mille et une dates. 17 octobre 61, c'est toujours la France coloniale. Même si là, le néocolonialisme, il existe toujours. Et pour moi, le mot néo, il n'a rien à voir. En fait, c'est toujours du colonialisme. Avec des sous-fifres, on utilise des nègres pour les nègres, des bougnoules pour les bougnoules, et des jaunes pour les jaunes. Mais c'est toujours la même, en fait. Faut pas oublier que 1830 à 1870, il y a un tiers de la population algérienne qui a été génocidée, massacrée, détruite. Des populations entières ont été déportées, certaines sont exilées en Tunisie, au Maroc, d'autres ont été au Proche-Orient. Et du coup, c'est une longue nuit de massacre qui a duré en Algérie, de 1830 à l'indépendance. Il n'y a pas que qu'on souffert, hein. Il y a beaucoup de gens. En fait, toute l'Afrique coloniale, toute l'Amérique coloniale, toute l'Asie coloniale a souffert. Que ce soit au Cameroun, avec la clôture par l'épisode de guerre sanglante qui a eu lieu de la fin des années 50 jusqu'au début des années 70, les destructions au napalm, le génocide d'un tiers de la population majoritaire du Cameroun, l'arrestation et le meurtre et les assassinats ciblés par la France de la plupart des opposants camerounais, ça peut être aussi le Soudan. Si vous vous souvenez du capitaine Voulet, du capitaine Champeau et de leur massacre, du fait qu'ils avaient l'habitude, comme tant d'autres coloniaux, de couper les mains de ceux qu'ils avaient assassinés ou les têtes et de se les trimballer pour prouver comme quoi ils avaient fait du bon boulot et du bon taf et pour instiller la terreur aux indigènes. En fait, les massacres et le génocide, c'est pas juste l'œuvre de la violence pure au sens des armes, c'est aussi la violence économique, le fait d'importer des maladies, de tester des médicaments qui ont décimé des populations entières là-bas, comme pour la maladie du sommeil, où il y avait un médicament, je ne me rappelle plus du nom, je crois que c'est le Domix ou un truc comme ça, qui a été testé en masse sur les populations subsahariennes et qui les a décimées, en fait. Qui n'a pas du tout marché. Moi, je voulais juste aussi rajouter, voilà, dans les différents buts de la colonisation aussi, il y a l'export... L'export de techniques militaires qui peuvent être faites. Voilà, on se rappelle au Rwanda où avec le génocide, c'était quand même l'armée française qui était intervenue, qui avait donné à l'armée rwandaise du coup toutes les méthodes d'attaque française. Et du coup, c'est aussi ça le colonialisme. Ils avaient équipé totalement de machettes comment on les appelait ? Les Hutus. Non, mais le parti, là, le truc qui était au pouvoir, le mec. Je ne me rappelle même plus. Bref, ils ont équipé tout le gouvernement rwandais de machettes, totalement. Voilà, et du coup, on a un deuxième montage qu'on a préparé aussi, voilà, sur la question plus large que peut être le colonialisme et non pas le néocolonialisme. Ouais, je pensais que tu voulais rajouter d'autres choses, en fait, par rapport à ce qui était dit, mais c'est pas... Comme le disait le témoignage du militaire, en fait, c'est pas juste dans les années 60 qu'il y a des choses bizarres, comme par exemple s'émouvoir sur la mort de 3 ou de 6 ou de 4 Français de souche européenne et pas de Français de souche musulmane ou de Algériens ou Marocains, suivant le point de vue. C'est même maintenant, en fait, on l'a vu, que ce soit avec Rémi Fraisse ou avec d'autres, quoi. Il y a des tas de gens qui se déplacent, qui manifestent, qui pleurent ou quoi que ce soit, mais un mec comme Al-Ziri, quoi... ça passe à la trappe. Donc il y a toute une remise en question. Et on voit bien que le PC à l'époque, ou les partis dits de gauche à l'époque, comme maintenant, en fait, font partie du système, font partie du pouvoir, et on ne peut rien attendre d'eux. Et surtout pas des discours différents. Ils ont souvent eu une lecture politique des choses, mais de leur politique à eux, de leur point de vue à eux, de leur analyse à eux. Et jamais de la parole des autres, en fait. Ou alors ce qui est accepté des autres... Et quand je parle des autres, c'est ceux qui ne sont pas européens. Bah, c'est une fois que tu as montré que tu es comme eux. Tu es devenu communiste, après tu es allégeance, ou que tu es socialiste, ou que tu es je ne sais quoi. Mais jamais, en fait, quand c'est endogène, on n'en veut pas. Voilà. Du coup, Tom, si tu veux, tu peux lancer l'autre son. Ouais, moi, ce que je me disais, c'était qu'on pouvait se faire peut-être une légère courte pause musicale avant que je revienne pour vous présenter du coup le prochain montage. On écoute ça tout de suite au fond près du radiateur. Oh, Vous êtes de retour dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30. On est rediffusé le vendredi matin de 7h à 8h30 pour les leftos, ou bien les couches tard d'ailleurs. On rappelle les petites adresses utiles rapidement, c'est le www.aufondprèsduradiateur.fr pour écouter toutes les anciennes émissions, et au fond près du radiateur, tout en attaché, tout en minuscule, @no-log.org pour nous envoyer des infos, des contre-infos, des sons, tout ce que vous voulez. Alors voilà, moi je vais vous présenter le prochain montage qu'on a fait, toujours sur le thème du colonialisme. On a dans un premier temps du coup le regard de René Vautier. René Vautier, c'est un réalisateur français qui a été un grand militant contre le colonialisme de manière plus générale, mais aussi voilà, notamment pendant la guerre d'Algérie. Il a fait des films, par exemple Afrique 50, qui a été un film qui a été censuré en France jusqu'à il y a pas longtemps, parce qu'il était jugé totalement à côté de ce que pouvait être la vérité à ce moment-là, avec des grosses guillemets françaises, sur le colonialisme. Du coup, on a son regard un petit peu sur ce que pouvait être le colonialisme à l'époque. On se rend compte que ça avait beau être dans les années 60, on n'a pas tellement changé. C'est pour ça qu'on peut pas tellement parler de néocolonialisme. Ensuite, on enchaîne avec des petites archives de différents médias français qui nous parle des exactions, notamment du viol et des différents crimes qui ont pu être commis par l'armée française lors de toutes ces différentes guerres, notamment comme vous disiez Mustapha, au Cameroun, où on pouvait balancer du napalm, bien des choses, des liquides qui y ressemblent. Et en Algérie aussi, et dans toutes sortes de guerres coloniales où il y a pu y avoir des viols, comme nous l'expliquait du coup cet ancien soldat français, que ça soit individuel ou collectif, sur la population colonisée. Et ensuite, on a aussi différents témoignages d'anciens combattants marocains qui ont combattu du coup pour la France, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui vont revenir du coup un petit peu sur le traitement de cette armée-là, de cette armée-là au Maroc, et puis des différents crimes qui ont pu être commis à ce moment-là. On va s'écouter tout de suite le reportage, le montage, et on revient tout de suite après pour en parler au fond près du radiateur. Alors j'ai pris des documents à la Bibliothèque nationale à Paris, des témoignages des conquérants de l'époque, des conquérants français. D'abord, des extraits du bréviaire que l'on avait remis aux officiers et soldats qui s'en allaient en Afrique. Cela s'appelait « Aperçu historique, statistique et topographique sur l'état d'Alger ». Voici quelques-uns de ces extraits. « Ces contrées sont des terres vacantes, abandonnées aux mauvaises herbes par la paresse et l'indolence des morts. » Les femmes du pays sont livrées par la paresse des Arabes, qui passent toute leur vie à fumer, à la turpitude de mœurs extrêmement relâchées. Elles n'ont pas de religion. Beaucoup doutent qu'elles aient une âme immortelle et croient qu'elles ne sont faites que pour la reproduction. Le climat aidant, les femmes sont nécessairement disposées au plaisir. Alors, allez-y, des terres vacantes et des femmes consentantes qui n'attendent que les soldats français. Et puis, à côté, j'ai vu d'autres documents qui marque l'étonnement des officiers français qui débarquaient en Afrique. C'est campagne d'Afrique en 1830 par un officier du corps expéditionnaire. Cette terre, qu'on avait présentée comme sauvage et inhabitée, est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins. Toutes sont bâties sur des hauteurs dont les mouvements onduleux contrastent tout à fait avec l'aridité des côtes de Provence. La végétation y est superbe, et partout des sources et des courants d'eau fécondent la terre. Les fruits y sont en abondance, un grand nombre d'aqueducs amènent les eaux jusqu'à la capitale. Et le maréchal Bugeaud lui-même. J'ai reconnu que l'Algérie produit beaucoup de grains, une immense quantité de bétail. L'immensité des terrains ensemencés atteste l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. Le commandant Claude-Antoine Rosé, dans Voyage dans la Régence d'Alger en 1833. Presque tous les hommes savent lire et compter. En France, on compte à l'époque 40% d'analphabètes. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qu'ils viennent civiliser. Le ministre de la guerre de l'époque, qui s'appelait Girard, Il faut se résigner à refouler au loin, à exterminer même la population indigène. Le ravage, l'incendie, la ruine de l'agriculture sont peut-être les seuls moyens d'établir solidement notre domination. Savary, duc de Rovigo, apportez des têtes, bouchez les conduites d'eau avec la tête du premier bédouin que vous rencontrerez, au nom bien sûr de la civilisation. Christian, dans l'Afrique française, un détachement de l'armée parti d'Alger surprend la tribu désarmée des Olifias et massacre sur le champ tous les hommes, femmes, enfants, sans distinction. On parlera de 12 000 morts. Les troupeaux raflés aux Olifias seront vendus au consul du Danemark. Quant au reste du butin, il fut exposé au marché de Babazoun. On y voyait des bracelets de femmes, encore attachés à des poignets coupés, et des boucles d'oreilles pendant à des lambeaux de chair, au nom de la civilisation. Le colonel François de Montagnac. Selon moi, toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge et de sexe. L'herbe ne doit plus pousser là où l'armée française a mis le pied. Saint Arnaud, il était commandant et c'était aussi un mari très attentionné. Il écrit à sa femme. « Chère Louise, je suis bivouaqué par une chaleur de 40 degrés au milieu de 20 villages superbes qui ne se sont jamais bien soumis. Je leur ai donné jusqu'à ce soir pour payer les impôts et les amendes que je leur inflige. S'ils ne s'exécutent pas, j'enverrai trois colonnes brûler tout. » En juin 1845, la tribu des Ouled Riha, chassée de ses douars par les détachements incendiaires du colonel Pélissier, se réfugie dans des grottes de montagne. Ordre du maréchal Bugeaud. Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Caveniacos Beha, fumez-les à outrance comme des renards. Voici le récit d'un témoin, français bien sûr. Voir au milieu de la nuit, à la faveur de la lune, un corps de troupes françaises occupé à entretenir un feu infernal. Entendre les sourds gémissements des hommes, des femmes, des enfants et des animaux, le craquement des rochers calcinés s'écroulant. Le matin, quand on chercha à dégager l'entrée des cavernes, gisaient des bœufs, des ânes, des moutons. Parmi les animaux, entassés sous eux, on trouvait des hommes, des femmes, des enfants. J'ai vu un homme mort, le genou à terre, la main crispée sur la corne d'un bœuf. Devant lui était une femme tenant son enfant dans ses bras. Cet homme avait été asphyxié au moment où il cherchait à préserver sa famille de la rage de cet animal. On a compté 760 cadavres. Le 8 mai 1845, Saint Arnaud découvre 500 Algériens qui s'abritent dans une grotte entre Ténès et Mostaganem. Saint Arnaud ordonne à ses soldats de les emmurer vivants. Il écrit « Je fais boucher hermétiquement toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. » C'est à peu près ce qu'ont dit les Allemands en massacrant le village d'Oradour-sur-Glane. Montagnac, toujours lui, le colonel. Voilà comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans. Prendre toutes les femmes et les enfants. Vous me demandez ce que nous faisons des femmes que nous prenons? On en garde quelques-unes comme otages. Les autres sont échangées contre des chevaux et le reste est vendu à l'enchère comme bêtes de somme. Toujours au nom de la civilisation. Nous rapportons un plein baril d'oreilles récoltées paire à paire sur les prisonniers. Il contient même celle d'un de nos 58 gendarmes morts de maladie. Deux pièces de 100 sous ne sont pas à dédaigner. Le maréchal Soult, ministre de la guerre, répondant à des questions à la Chambre des députés. En Europe, un tel acte serait horrible et détestable. En Afrique, c'est la guerre même. C'est la guerre même, c'est du moins ce que dit le ministre français, mais en face, voici un décret pris par l'émir des Arabes, l'émir Abdelkader. Tout Arabe qui amènera vivant un soldat français recevra pour récompense la somme de 8 douros. Tout Arabe qui aura un Français en sa possession sera tenu de le bien traiter et de le conduire le plus promptement possible, soit devant le califat, soit devant l'émir lui-même. Dans le cas où le prisonnier aurait à se plaindre de mauvais traitements, l'Arabe n'aura droit à aucune récompense. À la lecture de ce décret, question d'un soldat algérien, quelle récompense pour un prisonnier vivant? L'émir répond 8 douros. Et pour une tête coupée? L'émir répond 25 coups de bâton sur la plante des pieds. De quel côté était la civilisation? J'ai donc fait ce film avec les citations et des dessins et gravures qui étaient à la Bibliothèque nationale à Paris. Et j'ai proposé le film à la Ligue de l'enseignement pour qu'il soit projeté dans les lycées et collèges de France et de Navarre. La Ligue de l'enseignement l'a refusé avec cette appréciation. Quoique très correctement réalisé et basé sur des documents indiscutables, ce film va à l'encontre de toutes les idées qui servent de base à l'enseignement de la pénétration française en Afrique du Nord, ce qui rend sa diffusion impossible. C'était reconnaître que l'enseignement n'avait pas pour but l'éducation, c'est-à-dire l'ouverture vers la réalité, mais l'endoctrinement au service d'une idée politique, ici le colonialisme. C'est une page sombre de l'histoire de la présence française au Cameroun. Après un demi-siècle d'indépendance, le voile se lève sur les massacres des Bamileke qui forment la communauté ethnique la plus importante du pays. Les derniers survivants anticolonialistes dénoncent des exactions commises par l'armée française. François Bader. Que s'est-il passé en pays Bamileke à l'époque de la lutte pour l'indépendance ? Pour l'armée française, une simple opération de maintien de l'ordre. Pour les derniers témoins vivants, une véritable guerre dont l'histoire reste à écrire. Dans ce village, deux hommes ont vécu les événements. L'un était maquisard, l'autre était un milicien au service de l'armée française. Bien que dans des camps opposés, ils confirment les atrocités commises contre les populations civiles. Comme les militaires menaçaient trop, nous avions organisé un camp pour garder la population. Les militaires ont surpris cette population-là et avec l'armée française, ils ont ouvert le feu. Ils ont décimé cette population et il y avait un seul survivant. Dans cette maison, on fête aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau-né. Femmes, enfants, personne n'était épargné à l'époque où la France faisait la guerre aux rebelles indépendantistes. Pour l'armée française et ses supplétifs, il s'agissait de couper les maquisards de la population civile. On bombardait tout le monde et on brûlait même les cases. Les personnes qui étaient dans... Mais des fois, l'armée française faisait entrer les gens et brûlait même la maison. Cet homme était un chef de maquis. Ce qu'il décrit des bombardements de l'aviation française n'était peut-être pas du napalm, mais cela y ressemblait fortement. Il y avait l'avion devant qui versait liquide. Et puis, le deuxième avion mettait le feu, c'est-à-dire avec les balles incendiaires. Les historiens ont encore beaucoup de choses à découvrir sur cette guerre qui ne dit pas son nom. Certains parlent de génocide, mais ils ne sont pas tous d'accord sur la question. Il reste des points à éclaircir, justement sur la taille du génocide. Les gens ne s'accordent pas sur les chiffres. Parce que quand on dit 400 000 personnes tuées, les gens s'interrogent quelle était la taille de la population bamileke de l'époque pour qu'on en tue 400 000 et qu'il en reste encore. En pays bamileke, les opérations ont continué plusieurs années après l'indépendance du Cameroun, sous couvert de coopération militaire. Images, documents, toutes les archives restent gardées en France sous le sceau du secret défense. Les viols commis pendant la guerre d'Algérie ont toujours constitué un tabou quasi impossible à lever. 40 ans plus tard, la parole commence à se libérer. Henri Pouillot, appelé à Alger en 1961, est l'un des rares militaires à avoir témoigné sur le sujet. Pendant 10 mois, il a assisté à plus d'une centaine de viols à la Villa Susini, un célèbre centre de torture. On avait des viols qui étaient un peu de deux natures différentes, si j'ose dire. Une partie des viols était une pratique de torture pure et simple, et une autre partie d'autres viols étaient plus des viols de caractère plus collectif et pour satisfaire les soldats qui étaient sur place. Le général Ossarès a reconnu récemment avoir torturé en Algérie. Lundi prochain, il passe au tribunal pour apologie de crimes de guerre. La torture, il approuve, les viols, non. Pour lui, la décision de justice d'aujourd'hui est parfaitement justifiée. Eh bien, je réponds, oui, je considère qu'il peut être considéré comme une victime de guerre. Voilà. Il y a beaucoup de viols pendant la guerre d'Algérie commis par des soldats français ? Non. À mon avis, il y en a, à ma connaissance, il y en a eu très peu. Le viol ne sert à rien dans la recherche du renseignement. Les fédérations d'anciens combattants, elles, ne voient pas forcément d'un bon œil la décision d'aujourd'hui. Selon elles, rares ont été les soldats français qui ont commis des viols. Je pense d'abord que ces cas doivent être rarissimes. D'autre part, il ne faudrait pas perdre de vue que des viols, il y en a eu, ou des tortures, il y en a eu dans les deux camps, des deux côtés. La décision d'aujourd'hui permettra peut-être d'ouvrir d'autres dossiers. Mais visiblement, le chemin est encore long pour lever tous les tabous. J'ai fait le baroud, la guerre en Italie, le 12 mai à Cassino, et nous sommes allés jusqu'en Allemagne. Nous avons fait la guerre d'Italie, nous sommes revenus, puis nous sommes repartis en France, et nous avons débarqué à Marseille. J'ai fait le baroud, la guerre, la campagne d'Italie, de France et d'Allemagne. J'ai fait la guerre de France, d'Italie, d'Allemagne, je suis revenu au pays et je suis reparti pour l'Indochine. Nous avons perdu 10 000 soldats en Indochine. J'ai été fait prisonnier avec le colonel Charton. Le commandant en bataille s'est suicidé. J'ai été emprisonné puis relâché le 1er janvier 1952. Nous avons combattu en France, en Allemagne, en Italie, en Indochine. On ne veut pas que la France oublie l'aide que nous lui avons apportée. Mais aujourd'hui, nous, Marocains, pensons qu'elle s'est servie de nous et qu'elle a oublié ce que nous avons fait chez elle pour ses enfants. Dès le début du siècle, la liberté, la poésie et la violence de ceux qui allaient devenir nos plus farouches adversaires, avant de combattre à nos côtés, fascinaient les premiers écrivains et peintres partis à la découverte d'un Maroc qui faisait à l'époque peur autant qu'il attirait. C'est Loti qui a fait, avant le protectorat, le meilleur compte-rendu d'un voyage qui n'était pas très original. Il s'agissait d'aller de Tanger à Fès, pas parce qu'il y avait de plus beau dans le Maroc, mais c'est lui qui en a parlé le mieux. Mais il en a parlé comme un esthète. Et en fait, il voyait bien, il sentait que le Maroc éternel était menacé par la civilisation. La suite des ans l'a bien prouvé. Alors il voulait conserver ce Maroc à la fois sans route, sans aucune modernité, dans sa farouche confusion, si je puis dire. Les Français trouvent en 1912 une armée marocaine qui avait essayé de se régénérer à la manière de l'armée ottomane, de se moderniser, mais qui est en pleine déconfiture. Ça ne marche pas, ça ne prend pas, cette modernisation. Et Lyautey va alors recruter, sans passer là directement par le concours du sultan, des tirailleurs et des goumiers qui finissent par constituer, à la fin de son proconsulat, un contingent important de l'armée coloniale qui est en train de conquérir ce pays au nom du sultan, au nom de l'État marocain, au nom du Marzen, puisque en 1925, un soldat sur quatre est marocain. Et ces soldats participent à ce qu'il est convenu d'appeler, il faut bien sûr mettre des guillemets, la pacification. L'achèvement de la campagne du Rif est opéré par la première division marocaine, qui avait vraiment là le fer de lance de la trouée contre Abdelkrim. Ensuite, ces soldats marocains resteront plus nos Suisses, nos mercenaires, une force d'appoint pour faire les sales guerres comme celle de l'Indochine après 1945, ou bien un atout pour la campagne d'Italie et la libération de la France, resteront plus nos Suisses qu'une armée, comme l'avait envisagé Lyautey, qui soit au service du sultan. Le Maroc de 1912 est un navire en perdition. Un pilote allait le sauver, Lyautey, nommé résident général. En deux ans, de 1912 à 1914, l'ordre est rétabli, la dissidence recule et l'œuvre de civilisation entreprise avec ardeur va s'étendre pendant et après la guerre à tout le pays. Pacification ou répression, au-delà des mots, c'est bien de guerre qu'il s'agit et d'une guerre sans pitié, où la férocité berbère est largement compensée par les effets meurtriers pour les civils comme les combattants, des armes lourdes des colonnes mobiles françaises. On se défendait avec des pierres, avec tout ce qui nous tombait sous la main. Il y avait bien quelques mousquetons, mais pas grand-chose. Vous savez, nous étions des civils, et vous connaissez la situation des civils. Par contre, de l'autre côté, ils étaient très bien équipés. Leurs canons bombardaient de loin, la montagne, là-bas. La colonne mobile est arrivée de tous côtés, par Mermoucha, par Boulman et par Skoura. Ils ont bombardé les Aitzgrushen, réfugiés là-haut sur le Tichoukt. Ils avaient aussi des avions. Il y a eu beaucoup de tués. Ils nous ont tout pris, nos troupeaux, et nous ont laissés là. Il y a eu beaucoup de morts. وكاين واحد القائد كيقولوا القائد الحسن الله يرحمه جابوا مع فرنسا مع القوات ديالو حتى مات في الجوا هوزوا هوزوا لهنا الكلاولي هما ils sont descendus jusqu'ici et pour nous obliger à nous rendre ils nous ont pris tous nos vivres toutes nos bêtes ils ne nous ont laissé que le minimum une mule pour travailler celui qui en avait deux les français lui en prenaient une Arme nouvelle dont le coefficient psychologique fut plus important à l'époque que sa réelle efficacité militaire, l'emploi de l'aviation au Maroc préfigure les bombardements aveugles qui vont caractériser la Deuxième Guerre mondiale. La France est arrivée à pacifier le Maroc grâce à l'aviation, surtout. Surtout grâce à l'aviation. Ou s'il n'y avait pas d'aviation, je crois qu'il ne serait pas vaincu, les Marocains. Moi, j'étais jeune, j'avais 12 ans. On était dans la tente mosquée. On faisait les cours coraniques. Il y a un maître qui est à côté de nous. Il y a deux avions qui surgissent. Ils ont bombardé. Ils ont bombardé atrocement. Nous, les petits, nous avons pris la fuite dans la forêt. Nous sommes grimpés sur des arbres. Le frère était assez vieux. Il n'a pas pu s'enfuir. Il a trouvé la mort. Et une femme aussi qui était en train de moudre du blé, il a trouvé la mort. Puis un petit, un cousin à moi qui est blessé. Et ils ont tué presque tout le bétail. Les vaches, les chèvres, les troupeaux. Et les deux avions sont retournés vers Ahirmoumou. Ils passent sur une assemblée de dissidents qui ont tiré dessus. Chassepot, les vieux fusils de la guerre de 70, contre des blindés, le combat était perdu d'avance. Mais il allait révéler les incomparables vertus guerrières de nos adversaires. Celle qui fut la plus populaire de nos guerres coloniales fut aussi une des plus longues et des plus meurtrières. Rien que pour réduire les berbères du Rif, menés par Abdelkrim, de 1921 à 1926, il fallut au futur maréchal Pétain 160 000 hommes et de l'armement lourd. En 1934, quand la pacification fut achevée, on dénombrait officiellement du côté français 8622 morts. Du côté marocain, il n'existe aucun chiffre précis, mais les estimations se montent à 100 000 morts. Une fois qu'on s'est rendu, on nous a imposé des corvées. Et en plus, on recevait des coups. Et ceux qui étaient avec les Français nous battaient. Nous étions comme ça, à la queue leu-leu, ceux avec des pioches devant et ceux avec des pelles derrière. Et les coups n'arrêtaient pas de pleuvoir. C'était insupportable. Et celui qui refusait les corvées était tout simplement jeté dans la rivière. En plein hiver, il faisait très froid. Et certains en sont morts. Tell me why make me cry. Ouais, bah, on vient d'écouter ce petit montage. Du coup, moi, en fait, je suis pas d'humeur. Ça m'a foutu le moral en l'air. En plus, il pleut dehors, il fait pas beau. C'est... Franchement, c'est horrible, quoi. Non, sérieux. T'en penses quoi, toi, Tom ? Non, carrément. Bah, je pense que c'est un beau, beau tableau de ce qui a pu être et ce qui malheureusement, enfin voilà, on est dans les guerres coloniales. On a, enfin c'est l'héritage, le digne héritage, voilà, de toute cette belle époque, de ce que maintenant appelle le néocolonialisme et qui en fait, voilà, les mêmes choses qu'on voit en ce moment en Centrafrique. Tout ça, c'est exactement le même genre de méthode employée, que ce soit pour les crimes, pour tout ça. Enfin, même si les moyens ont évolué depuis et que maintenant on peut parler de choses un peu propres et puis de frappes préventives ou de choses comme ça, et ben, malheureusement, le résultat, c'est toujours le même. C'est toujours dans les populations civiles, dans les populations les plus pauvres, dans les pays les plus pauvres et qui ont du mal, voilà, à sortir en fait, de ce qu'a pu être le colonialisme. Ouais, et, je sais pas si t'as capté ou quoi, parce que moi, ça m'a renvoyé plein de pensées, plein de trucs et tout différent, tu vois. Et du coup... T'as pas mal de gens qui, t'es dans les luttes et dans les mémoires, tout ça, qui te font des parallèles avec le régime nazi et genre de délire, quoi. Alors qu'en fait, le parallèle, il n'est pas à faire. Là, c'était bien avant le régime nazi, en fait. Je veux dire, les camps de concentration, c'est pas genre le pouvoir nazi est arrivé, il y a eu l'occupation de l'Europe... Et du coup, il y a des camps de concentration qui sont apparus ou quoi. Et genre, ça serait une invention nazie ou juste la marque du nazisme, tu vois. C'est pas genre les déportations, c'est la marque du nazisme. C'est pas genre les massacres et les assassinats, c'est pas la marque du nazisme. Le gazage non plus n'est pas la marque du nazisme, quoi, en fait. Et le parallèle, il n'est pas à faire avec la Seconde Guerre mondiale, puisque ça existait aussi avant. Quand... En fait, dans tout ce qui est devenu des pays africains ou asiatiques... Tous les pays européens qui sont arrivés là-bas, ils ont massacré, génocidé, je veux dire. Que ce soit les Allemands avant la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, on aime bien à l'école, tout ça, et tous ces intellectuels, ils aiment bien nous parler du siècle des Lumières, du nationalisme, l'Europe des nations, par exemple. On aime beaucoup ça, en fait. Alors qu'en fait, tout ça, c'est pourri. Et que tous ces pays-là, que ça soit, on va dire, c'est le florilège des idéologies politiques. C'est-à-dire, on écrit beaucoup politique, en fait. On parle beaucoup de politique, on écrit beaucoup de politique, mais tous ces gens-là, c'est des enfoirés de première. Pareil que les autres, en fait. Moi, peut-être que je vais enfoncer une porte ouverte, mais j'aimerais bien revenir aussi sur toute cette phase de René Vautier, du coup, qu'on a pu entendre au début. Où il dit que voilà, en France, il y a quand même 40% d'analphabètes à l'époque, que l'armée est quand même beaucoup moins éduquée que les populations qui viennent entre guillemets civilisées. Et voilà, moi en fait, c'est tout ce paradoxe et en fait toute cette chose là où on nous vend, où, et même voilà, on s'est démontré aussi avec son film qui est refusé dans les programmes scolaires parce qu'il ne défend pas les valeurs de la France à cette époque. Et en fait, les valeurs de la France à cette époque, bah, c'est faire du profit, c'est aller piller les richesses dans ces pays-là, et en fait, on ne peut pas dire autre chose que, bah non, en fait, c'est la civilisation, et il n'y a pas du tout de civilisation, il n'y a pas un savoir-vivre, un langage ou quoi que ce soit à transmettre, il n'y a rien, c'est juste du pillage pur, simple, et très dur, et très violent derrière aussi, quoi. Mais moi, c'est tout ce gommage du travail de mémoire qui me fascine, en fait. Parce que René Vautier, ouais, et du coup, il t'ancre bien le truc à bien avant la Seconde Guerre mondiale, en fait, tu vois. Au 19e, mais c'est encore plus loin que ça et plus profond que ça. Mais vraiment bien plus profond. En fait, l'Europe, elle a eu la maîtrise de la violence. Elle est arrivée première sur la maîtrise de la violence. Et sa maîtrise de la violence, du coup, elle en fait une démonstration radicalement... Enfin, je sais pas comment dire. Très efficace aux Amériques. On le voit archi. Comment ça a été fait sur les Amérindiens, mais aussi la question noire, entre guillemets. J'aime pas dire ce mot-là. Question noire, c'est chelou à dire, je trouve. Mais dans le sens où tous les intellectuels de gauche et d'ultra-gauche ou d'extrême-gauche, il y a souvent un discours qui a été véhiculé, genre l'esclavage, c'est pas bien et tout. Le pire crime qu'on a commis contre les Africains, c'est l'esclavage. Mais en fait, non, c'est pas ça. Non, quand tu regardes bien à l'époque, l'esclavage, c'était genre normal, une catégorie socio-professionnelle avec des droits ou quoi. Qu'on soit pas d'accord avec l'esclavage, c'est une chose. Ça, là-dessus, je pense qu'il y a pas de problème avec tout le monde. Mais là où je suis pas d'accord, c'est de dire que l'Europe, le délire qu'elle a tapé avec les Africains noirs, en fait, c'est juste l'esclavage. Mais non, c'est pas ça. L'Europe, le délire qu'elle a tapé, c'est de dire qu'il y avait des gens qui ressemblaient à des êtres humains, mais qui n'étaient pas des êtres humains, qui étaient des animaux. Et c'était des noirs. Pour légitimer une forme d'esclavage. C'est ça qui est hallucinant, en fait. C'est pas le fait que des noirs... Parce que t'as souvent des gens qui vont te dire « Oui, c'est pas bien ce qu'ont fait les Européens. Ils ont pris beaucoup d'esclaves et tout en Afrique. » Mais c'était pas les seuls. Les Noirs eux-mêmes prenaient des esclaves. Puis les Arabes aussi. Faut pas les oublier, ceux-là. Ils prenaient aussi des esclaves et tout. Et tout le monde faisait ça et tout. Les Européens un peu plus. Mais c'est tout, quoi. Mais somme toute. Bah non, c'est pas ça le problème, en fait. Je répète, c'est pas le problème de l'esclavage qui est le plus gros problème, en fait, sur la question de ce que vous avez fait aux Africains subsahariens. C'est la question de dire que ces gens-là n'étaient pas des êtres humains. Ils étaient dénués de droits. C'était des animaux. On en faisait ce qu'on voulait. Et c'est tout. C'est ça le plus profond, en fait, du problème. Et au-delà de tout ça, que ce soit des mecs comme Victor Hugo, ou, je sais pas, Jules Ferry, ou Zola, ou j'en sais rien, tant d'autres qui parlent et qui disent, alors que c'est les mêmes pourritures et qu'on n'a pas dit un seul mot, en fait, sur ce que faisait, que ce soit la République, l'Empire ou le Royaume de France, on s'en fout. Mais tous ces régimes, en fait, ont pratiqué les mêmes exactions et les ont continuées, dans une logique coloniale, mais violente, extrêmement violente. Et du coup, quand on... Et on va jamais au plus profond des choses. En fait, quand on regarde les trucs, t'as pas mal de gens qui vont t'opposer en disant le FLN a commis des violences. Et, bah, oui, ils ont commis des tortures et des violences. Les FLN, c'était pas des anges. Ils sont jamais revendiqués comme des anges. D'ailleurs, ils ont buté tous les cadres du MNR. C'était un parti politique qui voulait, genre par la démocratie, tout ça, représentative et tout, acquérir l'indépendance de ce qu'on appelle l'Algérie maintenant. Qui ont été tous butés par les gens du FLN qui avaient annoncé la couleur dès le départ, et clairement. Et ils étaient chez eux, en fait. Et la violence qu'ils ont, en fait, c'est une violence en réponse à une autre violence qui est encore pire. Comme Vautier, il fait le parallèle avec les consignes d'Abdelkader ou du califat ottoman sur les prisonniers européens ou français. On se demande où était la civilisation, en fait. La civilisation, elle était de l'autre côté et elle était là. Alors qu'en face, il y avait une violence inouïe qui était mise. On tuait des femmes, des enfants, je sais pas. Il y avait des colliers d'oreilles ou de doigts ou de mains coupées ou des têtes. On se flattait des viols. Et il y avait des choses qu'on n'a pas entendues en fait dans les montages, mais qui étaient horribles à entendre. En fait, quand tu écoutes certains témoignages et que tu lis pas mal de témoignages aussi, tu vois que c'est des trucs de malade. Et en fait, l'Europe, elle est malade d'une violence qui dépasse le courant idéologique, qui est en elle depuis le temps des croisades, on va dire. Je sais pas, une fois que toute la... En fait, une fois que tout le catholicisme a réussi à imposer la religion catholique à tout ce qui était à l'ouest de Moscou, bah c'est bon, toute la violence, elle était tournée vers l'extérieur. Une violence de conquête, ouais, tout le monde a fait des conquêtes, en fait. Mais les conquêtes européennes, elles sont pas jolies. C'est pas les pires, ceux d'Afrique ou d'Asie, c'est plutôt ceux d'Europe. Et on va jamais au plus profond des choses aussi, même en tant qu'Algérien, je sais pas, l'Algérie, c'est une fabrication française. Il n'y avait pas d'Algérie avant, en fait. Il n'y avait pas de royaume du Maroc non plus avant. Il y avait un sultanat du Maghreb al-Aqsa, oui. Mais il n'y avait pas de royaume marocain. Le terme sultanat, en fait, c'est dépositaire de l'autorité. C'est pas... C'est quelque chose qui veut dire ça. Le terme de royauté, c'est quelque chose qui veut dire possession d'autorité. Donc c'est des notions différentes. Donc il n'y avait pas de royaume du Maroc avant, il n'y avait pas d'Algérie avant, il n'y avait pas de Tunisie, il n'y avait pas de Mali, il n'y avait pas... Tous ces États qui ont été trafiqués. Et moi, j'ai toujours été partagé, en fait, dans une double identité. Je ne sais pas si tu vois ou pas. En fait, après l'enfance, je ne savais plus si j'étais arabe, berbère, musulman, maghrébin ou africain, ou si j'étais français, genre... T'as ça qui te perturbe pendant toute ta construction, pendant l'adolescence et adulte et tout. Et du coup, mon côté plutôt arabo-berbère ou musulman ou ce qu'on veut, quoi, des fois, j'ai envie de pleurer. Non, mais sérieux, pour de vrai en plus. Parce que c'est souvent les groupes les plus vicieux, dans le sens avec des méthodes moins violentes, ou les groupes les plus violents, en fait, qui prennent le pouvoir ces pays qui croient avoir eu leur indépendance, hein, en fait, qui s'aperçoivent maintenant qu'ils n'ont jamais eu d'indépendance du tout. Et on ne fait pas assez de travail aussi sur nous-mêmes pour faire éclater un petit peu les choses et dépasser les cadres, en fait, des idéologies et des lignes politiques qui ont été apprises par ces mêmes Européens. Et ça, je trouve ça dommage, je sais pas. Toi, tu dis quoi ? Moi, là-dessus, c'est vrai que c'est assez costaud aussi, tout ce que tu viens de dire. Moi, ce qui est vraiment choquant aussi dans cette histoire de violence, où voilà, comme tu dis, ce qui est au cœur de tout ça, c'est cette violence et c'est cette non-civilisation. Et que ça soit pour l'armée, pour la police, voilà, c'est des gens qui sont détenteurs de cette violence et qu'on a pu voir au fil des gouvernements qui ont pu précéder de gauche, de droite, peu importe les époques, et même voilà, pendant le général de Gaulle, on peut voir que voilà, que ça soit dans la police, dans l'armée, et ben c'est toujours les mêmes qui restent, et c'est pas la police, elle est là pour défendre quelque chose qui est bien plus que les valeurs de la droite ou de la gauche. C'est les valeurs de la France qui n'ont pas changé, voilà, depuis plusieurs siècles, enfin voilà, au moins un siècle ou deux avec tout ce colonialisme. Et en fait, tu te rends compte que toutes ces prises d'indépendance ou de tous ces pays africains, on peut le voir que voilà, même si de temps en temps l'armée française n'y est plus, ces méthodes y sont toujours et transmises à d'autres armées, et voilà, toutes ces populations, elles sont marquées quelque part par cette violence, et du coup elles gardent les séquelles de tout ce que ça a pu être, quoi. Bien sûr qu'elles sont marquées. Comment t'expliques le cas que, je sais pas moi, en fait la France c'est un pays raciste. C'est pas genre un pays qui est pas raciste avec des gens racistes qu'il y a dedans. Une mentalité, elle est raciste ou pas. Après, il y a des Français qui sont pas racistes, certes, je veux bien le croire. Et il y a des Français qui sont racistes, certes, je veux bien le croire. Mais quand tu regardes la mentalité, elle est entièrement raciste, en fait. C'est pas autre chose. Et c'est super clair. Tout à l'heure, dans le premier montage de son, en fait, d'entrée, il précisait qu'ils avaient imposé un couvre-feu aux musulmans de France, c'était dans le cadre de la répression du 17 octobre. Aux musulmans. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1870, en Algérie, il y a eu le décret Crémieux. Quand il y a eu le gouvernement provisoire, celui de Versailles, celui qui a réprimé en fait la commune, qui autorisait les juifs d'origine berbère ou arabe à être français et à avoir la nationalité, mais pas les musulmans. Donc il y avait déjà une discrimination de fait qui existait il y a longtemps. L'islamophobie, elle n'est pas nouvelle. Elle est juste récurrente, et elle ressurgit là depuis 10-15 ans pour des besoins politiques, en tant qu'outil politique toujours. Mais bref, à cette époque-là, déjà, c'était bien les musulmans qui étaient ciblés, et de France, et qui étaient considérés comme citoyens de seconde zone. Et du coup, on peut comprendre pourquoi dans les stades de France ou autres, les jeunes générations qui sont nées d'une immigration algérienne brûlent le drapeau français, en fait, ou sifflent la Marseillaise, je sais pas, moi... Quand dans ta famille, tu as eu quelqu'un, que ce soit un grand-oncle, une grande-tante, ou un grand-père, ou une grand-mère, ou une arrière, ou même ton père ou ta mère, j'imagine, pour les générations un petit peu plus vieilles, et pour les générations plus anciennes, elles ont connu ça, quoi. Je sais pas, quand pour toi, le drapeau français, la Marseillaise, c'est associé au viol de ta femme, de ta mère, de ta sœur, de ta fille, ou au meurtre de toute une famille, ou à la vision de mains coupées ou égorgées, ou les séances de torture au commissariat, ou les confiscations de terres, ou de bétail, ou le fait qu'on te fait comprendre que, bah, tu vois, tu serais juif ou chrétien, tu serais français, mais là, t'es musulman, bah, t'es pas français, puis si on te donne la nationalité maintenant, c'est uniquement par obligation, et encore, on met une condition, c'est que 10 voix de français musulmans valent une voix de non-musulmans, quoi. Du coup, comment tu veux aimer le drapeau français, ou même quand t'y crois? C'est pas possible, en fait, tu peux pas, même quand tu veux faire de preuve de bonne volonté, genre à croire dans les institutions, c'est pas possible. C'est impossible. Et puis même, je voudrais dire un mot aussi sur le FLN, parce que ça fait longtemps qu'il est au pouvoir, faut pas oublier. Souvent, on est très gentil avec le FLN, dans les mouvements de gauche et d'extrême gauche. Je sais pas, quand tu vas à la fête de l'Humain, par exemple, t'as plein d'associations très officielles, laïques, tout ça, ou algériennes et tout, qui dénonce le terrorisme islamique qu'il y a eu pendant les années noires en Algérie. Mais là, on ne gomme pas la mémoire, quoi, parce que le terrorisme islamique, c'est le terrorisme d'État algérien, en fait, qui a fait les années noires en Algérie. Après les élections du fils, alors comme quoi, croire aux institutions, bah, ça ne marche pas, tu vois. Le fils qui a été élu majoritairement dans toutes les municipalités, en fait, les élections ont été dissoutes par le gouvernement, et une répression sanglante s'est engagée. Et la France, comme elle est copine avec l'Algérie et le FLN, bah, elle a fourni des hélicoptères pour pouvoir tuer tous ces gens là, du fils qu'il fallait éliminer, tu vois. La première coalition politique qui arrive à gagner le pouvoir en Algérie, ben bah, non, on ne la laisse pas. Parce que le FLN a des accords avec le gouvernement français depuis longtemps. Bah oui, comment tu peux expliquer le fait qu'on crache tous les jours sur les enfants d'Algériens? Tous les jours, on crache sur les bougnoules. Tous les jours, on dit les Algériens, c'est des sales, c'est des crades, les immigrés, ils sont sales. On les parque dans des cités ou genre de délire. On leur a fait subir des ratonnades, pas que les ratonnades policières. T'as aussi la mode dans les années 60-70 de débouler dans les bidonvilles ou les caves ou les foyers où étaient des mougnoules et de balancer des cocktails Molotov ou genre de dire. Comment après tant d'années, en fait, t'as un FLN qui continue à collaborer activement avec, tu vois, avec la République française et le PC. Le PC qui ferme les yeux et qui vante les mérites du FLN, tout comme il vante les mérites de la Chine. Comme si la Chine, c'était le pays idéal où il fallait vivre, je sais pas. Il y a un problème dans la gauche et qu'elle soit d'extrême ou d'ultra ou là de tout ce qu'on veut, que ça soit chez les anarcho-libertaires ou quoi, il y a un gros problème, c'est qu'il y en a beaucoup, ils n'ont toujours pas compris. Et je ne sais pas si un jour ils comprendront, en fait. Non, mais carrément, voilà, on peut aussi avoir l'exemple plus récemment aussi avec Kadhafi, où voilà, tu es soutenu par le PC, par toutes ces belles personnes, mais ça c'est encore un autre sujet, je pense que c'est encore... d'autres émissions qui vont suivre. Moi, je pense qu'on arrive à peu près au terme de cette émission. Je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot pour finir, Mustapha. Je ne sais pas quoi rajouter. Si, peut-être un truc, tu vois, tu as pas mal de gens dans les structures associatives ou politiques ou à vocation politique, tu vois, qui aiment bien dire qu'ils possèdent notre mémoire, en fait, ou qui parlent en notre nom, ou genre de délire, et c'est souvent orienté. Et moi, je commence à en avoir un petit peu marre, en fait, à chaque fois d'entendre les mêmes personnes avec les mêmes discours formatés et autres en train de parler et d'occuper l'espace et le temps. Et du coup, ce serait bien qu'on essaie de s'organiser, de faire un beau travail de mémoire aussi, et qu'il soit différent. Et du coup, s'il y a des gens qui veulent le faire, bah, qu'ils contactent l'émission, parce que nous, on est chaud, en fait, pour recueillir des témoignages, des trucs comme ça et tout, et faire plein de trucs, quoi. Voilà. Carrément, ouais, c'était ce qu'on vous disait au début de cette émission, ce que vous rappelez à Mustapha, c'est que c'est très dur en fait d'obtenir des témoignages, voilà, des gens qui ne sont pas forcément des officiels, qui n'ont pas forcément la version officielle, et ce n'est pas facile à trouver. Du coup, voilà, on vous invite à faire soit ce travail de recherche, soit voilà, de venir témoigner. Comme il vous a dit, on peut nous contacter sur au fond près du radiateur @no-log.org. Vous pouvez réécouter cette émission bientôt sur au fond près du radiateur.fr. Nous, on arrive à la fin. Voilà, c'était l'émission au fond près du radiateur. On va passer les quelques petits big up qu'il faut pour quand même bien clore cette émission. Voilà, un gros big up à Yano, à Raph, à Robinson, à Mouloud qui n'ont pas pu être là ce soir. Voilà, à Tonio, Nico Gris, à Sof qui ont pu être là, ça fait toujours plaisir. À Meuto aussi, voilà, on lui passe un gros big up. À Yas, et puis nous on se dit à mardi prochain sur les ondes de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier. Je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non, truc de dingue, truc de malade, truc de malade, truc de psychopathe, truc de psychopathe, truc de fée, truc de strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force du travailleur.